3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Les dessins animés basés sur la guerre et l'armée n'étaient pas rares au milieu des années 1980. Avec G.I. Joe et Transformers, utilisant ce concept avec succès, beaucoup d'autres projets arriveront à la télévision, tels que Chuck Norris, Karate Commandos, et également la série de plus de 65 épisodes intitulée Rambo, The Force of Freedom. Basé sur le personnage de John Rambo, apparu dans le livre First Blood de l'auteur canadien David Morrell, et des films qui en furent adaptés, cette série de dessins animés, dont les épisodes duraient moins de 25 minutes, fut produite de manière indépendante par la compagnie Ruby Spears Enterprises et Carolco Television. Ce sera le rédacteur et scénariste en chef Michael Caine qui sera chargé par les producteurs exécutifs Joe Ruby et Ken Spears, d'adapter le personnage pour la télévision suite au succès incroyable de Rambo, First Blood Part 2. Walt Kubiak deviendra par la suite le producteur désigné pour la série qui obtiendra un financement total de plus de 15 millions de dollars. Chane obtiendra l'aide de Jack Bornoff pour l'écriture d'une mini-série de 5 épisodes qui sera alors diffusée le 14 avril 1986. Contre toute attente, la mini-série sera si populaire que celle-ci sera alors renouvelée pour être diffusée quotidiennement et ce, à partir de septembre de cette même année. John Kinball et Charles A. Nichols seront alors embauchés pour s'occuper de la réalisation de plus d'une soixantaine d'épisodes qui formeront cette première saison. Malheureusement, la série sera annulée 2 mois plus tard. Ce dessin animé générera une légère controverse à l'intérieur des studios de production, les écrivains se demandant comment ils pourraient présenter ce personnage troublé de la guerre du Vietnam, souffrant de troubles de stress post-traumatique, sans oublier que Rambo était lié à la violence extrême de ses films. Avec son expérience antérieure sur la production d'émissions pour enfants, Chane décidera alors d'ignorer quelque peu les films de la série et transformera alors le personnage solitaire de John Rambo en chef d'une équipe de soldats appelée The Force of Freedom, qui se verront remettre une série de missions à travers le monde par le colonel Trotman afin de lutter contre une organisation terroriste paramilitaire nommée Savage. Alan Oppenheimer, James Avery, Mona Marshall, Robert Ito, Michael Ansara, Peter Cullen, Lenny Wareb, Ed Gilbert et Frank Welker furent embauchés pour prêter leur voix aux différents personnages de la série. Cette distribution sera complétée par l'acteur Neil Ross qui sera embauché pour faire la voix de Rambo, Stallone, ayant coûté beaucoup trop cher à la production. Malgré le fait que la série était remplie de combats au corps à corps et de coups de feu, avec des armes à feu illustrées avec précision, il n'y aura jamais vraiment de sang ou de gore, la série étant destinée à être visionnée en famille. Le personnage titre utilisera même la violence en dernier recours et s'appuiera sur ses ressources et sa ruse pour déjouer ses adversaires. Avec le succès de la mini-série de 5 épisodes, les exécutifs de la compagnie Coleco décideront de produire une première ligne de figurines qui sera composée de plus de 11 personnages de 6 pouces de haut qui obtiendra alors tellement de succès qu'une seconde ligne de 7 figurines additionnelles sera alors produite en 1987. Du côté littéraire, certains épisodes de Rambo « The Force of Freedom » seront adaptés en livre, incluant la mini-série originale qui sera publiée par la maison d'édition Kid Stuff Records en 1987 sous le titre de « Rambo – The Rescue ». Une autre série de 4 livres sera par la suite publiée par Rainbow Communication Limited, soit Guns Over the Suez, The Lost City of Arca, Pirate's Peril et Alphaz Arms and Ambush. 2 autres séries de livres seront publiées au Royaume-Uni par l'intermédiaire de World Distributors de 1986 à 1987, soit Little Owl Superstars ainsi que Mini World. Pour compléter le tout, 2 annuels, un en 1987 et l'autre en 1988, un mini-livre de coloriage et un livre d'activité seront produits par World Distributors, alors que 4 livres de coloriage et d'activité, également basés sur la série, seront publiés par Modern Publishing en 1986. Rambo « The Force of Freedom » fut la toute première propriété cinématographique pour adultes à recevoir un traitement d'une émission de dessin animé pour enfants, et ce, au grand désarroi de l'acteur Sylvester Stallone, qui n'avait aucun contrôle sur les droits de licence de son personnage au niveau des jouets ou de la série animée. Bien que la violence dans la série animée ait été incroyablement atténuée pour son jeune public, un groupe de parents préoccupés dans une école de New York formera un regroupement appelé The He-Man Workshop et provoquera de la mauvaise presse entourant leurs préoccupations de la violence au niveau de la télévision pour enfants, qui forceront alors les producteurs à finalement tuer la série. Donc, préparez-vous à reprendre du service et à combattre pour des causes qui vous seront très personnelles, alors que je vous présente ici une émission spéciale Programme Triple qui touchera ici les 3 derniers films de l'une des plus grandes franchises de films d'action hollywoodienne, Rambo. This drive-in theater is radioactive. Now you can hear tonight's show on your AM car radio. Turn your ignition key to the accessory position. This will not drain your car battery. Now turn on your radio and zero in on the following AM station. We hope you have a wonderful time. Come back soon. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good. You get more out of life when you go out to a movie. The management and staff of this theater wish every one of you a very, very happy Christmas. A gay, exciting new year. Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime. And now, on with the show. Cette mission est importante, John. Je veux que tu viennes avec moi pour m'aider à diriger l'équipe. J'ai fait mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma guerre est terminée. Il ne fait jamais couler le premier sang. La première fois, c'était pour lui. La seconde fois, pour son pays. Montez, dépêchez-vous! Cette fois... Rambo, il y a eu un problème. C'est pour son ami. Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on envoie une équipe en deltaplane? Qu'on crée un incident international? Alors j'y vais, moi. On a eu, on voit que tu n'as pas l'expérience de la guerre. Je vais vider quelques chargeurs. Et si vous êtes capturé, nous nierons toute participation ou même toute connaissance de votre existence. J'ai l'habitude. Je sais que c'est ton ami. Mais tu ne peux pas faire ça. Vous mourrez tous les deux. Pourquoi? Faites-le pour moi. Non! Pour qui vous prenez cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Qui est-ce? Ton pire cauchemar. Stallone. Rambo 3. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Mais non. Rambo 3 est un film d'aventure qui a été distribué par les studios Tristar Pictures le 25 mai 1988. Ce film américain d'une durée de 101 minutes a coûté 63 millions de dollars à produire et a amassé plus de 189 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Peter MacDonald, lui qui avait réalisé les films Never Ending Story 3 et Légionnaire. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Buzz Fetchans, lui qui avait produit les films Extreme Prejudice, Color of Night et Uncommon Valor. Au niveau de la scénarisation, eh bien, ce sera le scénariste américain Sheldon Lettish, lui qui avait écrit les films Bloodsport, Ross Keys et Légionnaire, qui s'associera ici au scénariste américain Sylvester Stallone, ce dernier ayant écrit les scénarios de Cobra, Over the Top, Driven et Cliffhanger. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Sylvester Stallone, Richard Crenna, Kurtwood Smith, Mark DeYoung, Sasson Gabe, Dudi Chua et Spiros Fokas. Après ses exploits au Vietnam, un ex-soldat d'élite qui s'était retiré dans un monastère bouddhiste doit reprendre du combat lorsqu'il apprend qu'un ami a été capturé par les Russes lors d'une mission clandestine en Afghanistan. Suite au succès de Rambo First Blood Part 2, il ne faudra pas beaucoup de temps aux dirigeants de Carolco pour demander à Sylvester Stallone de travailler sur Rambo 3. Partant de la prémisse où Rambo devait se rendre en Afghanistan sauver la vie du colonel Trotman, Stallone embauchera le scénariste Harry Kleiner pour écrire un premier jet, l'homme étant responsable des scripts de Bullet et Red Heat. Malheureusement pour lui, son scénario fut rejeté par Stallone. C'est alors que l'acteur américain se rappellera d'un scénario basé sur la guerre du Vietnam qu'avait écrit l'auteur Sheldon Lettish, qui avait précédemment écrit le scénario de Bloodsport. Stallone approchera donc Lettish, qui signera alors une entente avec la compagnie de Stallone, White Eagle Productions, lui donnant alors l'occasion de co-écrire Rambo 3 avec l'acteur. Carolco Pictures s'entendra avec Stallone pour un budget de plus de 30 millions de dollars pour le long métrage, 16 millions étant alors alloués au salaire de l'acteur vedette. Ce sera également Stallone qui choisira le réalisateur australien Russell Mulcahy, ce dernier venant de connaître le succès avec son drame de science-fiction Highlander. Ce sera le distributeur Tristar Pictures qui sera choisi pour distribuer le long-métrage en salle, la compagnie annonçant alors une date de sortie pour le 4 juillet 1987. L'Angleterre fut initialement envisagée pour le tournage, puis ce sera finalement le Guaymas, au Mexique, qui sera choisi, emplacement où sera construit plus de 5 millions de dollars de décors et d'espaces de tournage. Cependant, alors que la production devait commencer le 7 avril 1987, celle-ci sera arrêtée car les emplacements de tournage à Guaymas étaient devenus impraticables. Alors que les producteurs désiraient transférer le tournage aux États-Unis, soit en Arizona ou au Nevada, Stallone se rendra avec Mulcahy en Israël et les deux hommes deviendront alors convaincus que Rambo 3 devait être tourné à cet endroit. Ce sera à ce moment que la date de sortie sera repoussée pour l'été 1988. Le tournage débutera finalement le 30 août 1987 et aura lieu dans les emplacements tels que la région de la Mer Morte, Jaffa, Eilat et Jérusalem. Le budget du film passera alors à environ 45 millions, forçant Stallone à remplacer son salaire de 16 millions de dollars en faveur d'un pourcentage du produit brut du film. Mais c'est à ce moment que les problèmes débutèrent entre le réalisateur et l'acteur vedette, ce dernier trouvant que son metteur en scène manquait de vision pour le film. Puis, surviendra des conflits d'équipe et même des affrontements avec Stallone, ce qui forcera la production à effectuer des changements massifs à son équipe de production, et ce, après seulement deux semaines de tournage. Le premier domino à tomber sera le directeur de la photographie Rick Waite, qui sera alors remplacé par P. David Garfinkel, ce dernier ayant déjà travaillé avec Stallone sur Over the Top. Par la suite, ce sera le réalisateur Russell Mulcahy qui sera renvoyé de ses fonctions suite à un désaccord avec Stallone sur le choix des acteurs personnifiant des personnages russes qu'allait devoir affronter Rambo. Pour terminer, les producteurs licencieront l'assistant réalisateur et toute l'équipe au niveau des caméras qui sera alors remplacée par de nouveaux techniciens. Cette situation fera alors grimper le budget à plus de 60 millions de dollars, faisant alors de Rambo 3 la production la plus dispendieuse de la franchise, mais également d'Hollywood à cette époque. Avec plus de 250 personnes en attente, Stallone proposera alors le poste de réalisateur au directeur de la deuxième unité, Peter McDonald, dont il s'agira alors de la première expérience comme metteur en scène principal. Ce dernier n'aura que deux jours pour prendre sa décision. McDonald avait déjà travaillé avec Stallone, ce dernier étant également directeur de deuxième unité sur Rambo First Blood Part 2. McDonald était un maître du mouvement de la caméra, ce qui sera une bénédiction pour la production. Le tournage reprendra en Israël, près de la Mer Morte, avec des températures avoisinant les 45 degrés Celsius. Des mémos seront alors affichés autour du plateau par les deux médecins de l'équipe exhortant tout le monde à boire au moins 20 à 30 tasses d'eau pendant le tournage de jour. En conséquence, de la crème solaire, des chapeaux et des lunettes de soleil deviendront des nécessités absolues. De plus, McDonald sera rapidement aux prises avec des problèmes de logistique au niveau du transport de l'équipe de production via char et hélicoptère, mais aussi de la construction de logements pour les membres de son équipe de tournage. De plus, il y avait un continuel sentiment de danger en Israël, la production pouvant utiliser des armes à feu à certains endroits, mais ne pouvant pas à d'autres. D'ailleurs, le maître d'armes Sam Moore, qui venait de terminer son travail sur le film The Untouchables, n'aura aucune difficulté à trouver des armes sur place, ce dernier se rendant chez un trafiquant d'armes de Tel Aviv, une grande partie de l'armement provenant de la capture d'un navire à destination du Liban. Ce sera le costumier Richard Lamotte qui s'occupera de fournir l'habillement des acteurs, ce dernier achetant tout son habillement à Peshawar, une ville frontière pakistanaise. De vieux vêtements, dont certains ensanglantés, furent alors achetés sur place ainsi que des articles afghans dans les magasins locaux. Malgré le fait que le tournage était effectué en plein désert, Stallone devait amener avec lui certaines personnes afin de garder sa forme. Pour le physique, ce dernier aura besoin de 13 pièces d'équipement pour son entraînement qui le suivront au fur et à mesure que le film passera d'un endroit à l'autre. Un entraîneur sera également disponible pour ses séances quotidiennes d'une heure durant lesquelles Stallone effectuera environ 60 séries d'exercices en plus de lever des poids pour travailler sa musculature. L'acteur de 41 ans amènera également son propre chef cuisinier de Los Angeles afin que ce dernier s'occupe de ses repas spéciaux. Du côté des figurants, ce seront principalement des Israéliens qui furent utilisés pour interpréter les rôles d'Afghans, tandis que les Soviétiques seront principalement joués par des Américains, des Anglais et des Français. Ce fut l'entraîneur de Dialek de Tel Aviv, Yoni Lucas, qui eut la lourde tâche de superviser les différents dialogues pachtous et russes afin de s'assurer de la cohésion entre les différents personnages. Quelques incidents se produiront sur le plateau de tournage, notamment au moment où Sylvester Stallone a manqué d'être décapité par une pale d'hélicoptère en rotation. Avant la fin de la production, le directeur de la photographie, P. David Garfinkel, sera également renvoyé et remplacé par John Stanier, qui sera lui aussi remplacé avant la fin du tournage, faisant en sorte que plus de 4 directeurs de la photographie différents seront utilisés sur le tournage de Rambo 3. Le tournage prendra donc fin en Thaïlande le 22 décembre 1987, avant de se terminer complètement le 28 janvier 1988 à Yuma, au Nevada. Une vaste partition musicale sera écrite pour le film par le compositeur américain Jerry Goldsmith, musique qu'il produira avec l'orchestre de l'Opéra d'État hongrois. Cependant, une grande partie de cette nouvelle partition ne sera pas utilisée. Au lieu de cela, une large partie de la musique écrite par Goldsmith pour Rambo First Blood Part 2 fut recyclée. Au final, l'album de la musique du film ne contiendra qu'une partie de la nouvelle musique ainsi que 3 chansons, dont une seule sera utilisée pour le film, soit la version du chanteur Bill Medley de « He Ain't Easy, He's My Brother » qui sera jouée pendant le générique de fin. Rambo 3 sortira en salle nord-américaine en mai 1988 dans plus de 2562 salles, se classant deuxième derrière Crocodile Dundee numéro 2. Dans l'ensemble, le long-métrage rapportera plus de 53,7 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et amassera plus de 135,3 millions de dollars de plus à l'étranger, sous-performant par rapport à Rambo First Blood Part 2. Rambo 3 fut reconnu pour avoir poussé la violence à l'extrême à l'époque de sa sortie en salle, la mortalité étant si exagérée dans le long-métrage avec ses quelques 108 décès enregistrés, que le Guinness World Record l'identifiera comme le long-métrage le plus violent de son époque. Un certain nombre de groupes anti-guerre s'opposeront d'ailleurs à la violence représentée sur l'écran et protesteront devant certains cinémas à Los Angeles, en Illinois et à Seattle. Même l'activiste social Jerry Rubin lancera sa propre manifestation devant le Coronet Theater à Westwood, en Californie, en jeûnant pendant plus de 63 jours, chaque jour, représentant 1 million de dollars de ce qui fut investi dans Rambo 3. Le 13 août 1988, Rubin mettra fin à son jeûne et livra une pizza géante au domicile de Stallone à Malibu, en Californie, en symbole de paix avec l'acteur. Mais cette pizza ne sera pas la seule chose que recevra Stallone en rapport à Rambo 3. En effet, l'acteur américain se verra donner en 1988 par les propriétaires de Carolco un jet privé pour son travail dans Rambo 3, l'un des plus luxueux du marché. Mais il obtiendra également le prix du pire acteur de l'année au Golden Raspberry Awards pour sa prestation dans le film d'aventure. Après la fin du tournage en Israël, les studios Golan et Globus à Tel Aviv accuseront la maison de production Carolco Pictures d'avoir émis 200 000 $ de chèques sans provision en relation avec le film. Golan et Globus feront alors la saisie des ordinateurs de la compagnie Carolco avant que la cause ne soit entendue devant un tribunal de Tel Aviv en janvier 1988. Ce sera de nouveau l'auteur canadien David Morrell, auteur du roman de First Blood, qui s'occupera de l'écriture de la nouvelle du troisième film. Une adaptation en comic book de la maison d'édition Blackthorn Publishing sera réalisée, incluant une version 3D de ce même comic. Du côté du jeu vidéo, plusieurs compagnies auront une licence pour produire un jeu à partir du long-métrage, incluant Ocean Software, Taito, ainsi que la compagnie Sega. Malgré les revenus en dessous du film précédent, Rambo 3 sera considéré un succès et Stallone se verra alors offrir un salaire de plus de 34 millions de dollars pour faire une suite, mais, déçu du résultat final au box-office de ce troisième volet, ce dernier refusera l'offre. La compagnie de production Carolco Pictures fera faillite au milieu des années 90, laissant le futur de la franchise alors en suspens. Du côté des points forts, eh bien, ce troisième volant est plaisant à regarder, principalement pour ses séquences d'action bien dirigées, son rythme très dynamique et surtout par une photographie bien soignée, malgré le fait que quatre directeurs photos se soient partagés le travail. De plus, les effets spéciaux sont assez spectaculaires, permettant aux scènes d'action d'être captivantes. La musique de Jerry Goldsmith permet d'apporter de la profondeur au personnage principal dans un film qui ne s'attarde pas vraiment à l'aspect psychologique de ses caractères. Il y a un certain humour sarcastique qui amuse quelque peu, et le fait que Rambo ne règle pas seul le conflit contre l'armée russe fait tout de même une bonne différence avec le film précédent. Mais du côté des points faibles, eh bien, le scénario est simpliste, ne faisant ici que reprendre les points forts du film précédent, tels que les scènes de torture, d'évasion ou encore comment Rambo soigne ses blessures, le tout devenant tout simplement des séquences mécaniques sans vie. Le scénario se perd également dans une série de propagande américaine avec son message moralisateur sur l'imbécilité de la guerre. La distribution est, quant à elle, sur le pilotage automatique, le réalisateur ne s'attardant pas à aller chercher le maximum de ses comédiens. Il est à noter que le réalisateur s'attarde trop à Rambo versus les vilains russes dans la séquence finale et ne montre pas assez à quel point les soldats afghans sont importants dans ce dernier combat, la caméra ne nous montrant uniquement que la chute de ces combattants. Finalement, en plus de dialogues quelque peu simplistes, la fin de ce troisième volet dans la franchise se termine abruptement, quelque chose qui aurait pu être triste si ce film avait été le dernier de la franchise. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur Jerry Goldsmith, ce compositeur américain qui nous avait donné les trames sonores des films Escape from the Planet of the Apes, Tora, Tora, Tora, Damnation et Logan's Run, qui s'occupe ici de faire la composition musicale. Vous pouvez retrouver sa trame sonore qui est sortie en CD en 1988 sous l'étiquette Volcano Records. Il y aura une version remasterisée qui sortira en 2005 sous l'étiquette Instrada, toujours en CD. Puis vous aurez toujours du côté de Intrada, en 1989, la version complète de la trame sonore de Jerry Goldsmith intitulée Rambo 3 The Complete Soundtrack. Et finalement, vous aurez de nouveau une version remasterisée de la trame sonore de Rambo 3 qui sortira toujours sous l'étiquette Instrada le 6 mars 2018. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it. When freedom is threatened, get me Rambo. Rambo. For the first time on television, Rambo takes on General Warhawk's savage troops in an action-packed all-new miniseries. 5 days of adventure, 5 days of excitement, 5 days of Rambo, the Force of Freedom. Don't miss it. Today at 4:30 on Philly 57. And now meet the star of our show. Symbol of a treat that quality made famous. America's most famous ice cream treat, Eskimo Pie. Creamy, delicious ice cream made even more exciting with smooth, rich chocolate coating. And wearing the label of quality, known the world over. Eskimo Pie, the treat you know is Tops because it carries its pledge of quality right on the back of the bag. Be sure you save the bags for valuable premiums. Get famous Eskimo Pie at our refreshment stand now. It's America's anytime taste treat. Finest ice cream, finest chocolate. It's delicious. And now, on with the show. Rated X. Vous êtes John Rambo? On m'a dit qu'on pouvait louer votre bateau pour remonter le fleuve. Pour aller où? En Birmanie. La Birmanie est une zone de guerre. Je vous en prie, ça peut aider à changer la vie des gens. Vous avez des armes? Bien sûr que non. Alors vous ne changerez rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Tu sais qui tu es. De quoi tu es fait. Tu as la guerre dans le sang. Lorsqu'on t'y pousse, tu es aussi facile que respirer. Je préfère mourir pour une cause que vivre pour rien. Rambo, ou Rambo 4 en français, est un drame d'aventure qui a été distribué par les studios Lionsgate Pictures et Warner Brothers le 25 janvier 2008. Ce film américano-allemand, d'une durée de 91 minutes, a coûté 50 millions de dollars à produire et a amassé 113,2 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Sylvester Stallone, lui qui avait réalisé les films Rocky III, Staying Alive et Paradise Alley. Au niveau du poste de producteur, on y trouve le producteur israélien Avi Lerner, lui qui avait travaillé sur la franchise des Expendables et sur le film The Black Dahlia. Vous avez également le producteur américain Kevin King Templeton, lui qui avait produit les films Creed, Homefront et Rocky Balboa. Et finalement, le producteur américain John Thompson, lui qui avait travaillé sur les films The Hitman's Bodyguard, Brooklyn's Finest et 16 Blocks. Au niveau de la scénarisation, eh bien, ce sera le scénariste américain Sylvester Stallone qui avait travaillé sur les films Homefront, Creed 2 et The Expendables, qui s'associera ici avec le scénariste américain Art Monterastelli, qui, lui, avait travaillé sur les scénarios de The Hunted, Buried Alive et Total Recall 2070. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Sylvester Stallone, Julie Benz, Paul Schultz, Matthew Marsden, Graham McTavish, Tim Kong, Ray Gallegos, Jake Labotz, Mong Mong King et Ken Howard. Des missionnaires chrétiens tentent de convaincre un ancien soldat d'élite américain, retiré en Thaïlande depuis plus de 20 ans, de les conduire à bord de son bateau de pêche dans la Birmanie voisine, où ils espèrent secourir des villageois isolés par la guerre civile. Rendus à destination, les missionnaires sont aussitôt capturés par un général de l'armée birmane particulièrement sadique qui a décimé leur village, forçant l'embauche d'un groupe de mercenaires. Suite à la faillite de Carolco Pictures, les droits de la franchise Rambo seront vendus à la compagnie Miramax Film en 1997 avec l'intention de produire un quatrième film. Plus de 34 millions de dollars seront alors offerts en salaire à l'acteur Sylvester Stallone, qui n'était pas motivé à cette époque pour reprendre le rôle. Suite à ce refus, les droits seront par la suite vendus aux compagnies New Image et Millennium Films en 2005, ces derniers approchant de nouveau Stallone pour une nouvelle histoire à la franchise. Stallone avait décidé qu'une partie de la raison pour laquelle il aura fallu si longtemps pour produire un quatrième volet était due à l'absence d'une histoire convaincante qui l'aurait motivé à reprendre le rôle. Revisitant l'histoire de son personnage légendaire après plus de 20 ans d'absence, l'acteur développera une idée où il mettra l'accent sur l'immigration illégale aux États-Unis comme point central, mais cette idée, qui sera reprise dans le dernier film de la saga, sera abandonnée car il voulait garder son personnage dans un décor de jungle. Ce sera finalement suite à la lecture d'une série d'articles parlant des événements se déroulant en Birmanie lors de la révolution de Safran et de la guerre civile en cours entre l'armée du Myanmar et les rebelles Karens que Stallone décidera alors de la thématique de son prochain film. Les producteurs trouveront l'idée convaincante après avoir visité les camps de réfugiés de Karens et donneront le feu vert à la production juste avant la sortie de Rocky Balboa en 2006. Stallone co-écrira alors le scénario avec le scénariste Art Mountrastil. Un réalisateur sera alors choisi, mais ce dernier quittera la production en raison de désaccords créatifs. Stallone fut alors approché pour s'occuper du poste de réalisateur. D'abord réticent parce qu'il n'était pas préparé et n'avait pas de vision du film, celui-ci deviendra alors excité par le fait qu'il n'avait jamais encore réalisé un film de cette franchise populaire et c'est à ce moment qu'il acceptera le poste. Rapidement, Stallone optera pour un visuel beaucoup plus violent et gore que les films précédents de la franchise, ce long métrage possédant le plus grand nombre de morts dans un film de la franchise, soit plus de 466. L'acteur James Brolin sera initialement choisi pour interpréter le personnage du colonel Samuel Trotman suite au décès de l'acteur Richard Crenna d'un cancer du pancréas le 17 janvier 2003 à l'âge de 76 ans. Cependant, Stallone prendra la décision de retirer le personnage du scénario car il considérait que Trotman était décédé le même jour que Crenna, qui apparaîtra ici pour la dernière fois dans la franchise grâce à un flashback de scène provenant de films précédents. Pour l'actrice Julie Benz, cette dernière fut choisie par Stallone qui désirait travailler avec elle car il était un fan ardu de la série télévisée Dexter dans laquelle elle était apparue durant les 4 premières saisons. Benz devra alors se faire vacciner plus d'une vingtaine de fois avant de pouvoir se rendre en Asie du Sud-Est pour tourner le long métrage et trouvera son expérience cinématographique étouffante et épuisante. Avec une équipe de production de plus de 560 personnes, dont 450 membres furent thaïlandais et plus de 80 personnes provenant d'Australie, d'Amérique du Sud, du Canada, du Myanmar et du Royaume-Uni, le tournage débutera à Chiang Mai, en Thaïlande, en janvier 2007, avant de se rendre au Mexique, puis aux États-Unis dans le Nevada et finalement en Californie, le tournage prenant fin en mai de cette même année. Pendant le tournage près de la Birmanie, dans la région de la rivière Salween, entre la Thaïlande et le Myanmar, Stallone et le reste de l'équipe évitèrent de justesse d'être abattus par l'armée birmane, des coups de feu étant tirés juste au-dessus de leur tête. C'est également à cet endroit que Stallone y verra des survivants avec des jambes coupées et toutes sortes de blessures causées par des mines terrestres, des plaies infectées et des oreilles coupées. Après avoir visité des camps de réfugiés en Birmanie, abritant le peuple Karen, qui se battait à cette époque pour un État indépendant contre le Myanmar, l'acteur-réalisateur décidera de choisir de nombreux figurants birmans n'ayant aucune expérience comme acteur, mais qui apporteront alors beaucoup de réalisme à sa production. Même la vie animale sera dangereuse pour les membres de l'équipe de tournage, surtout lorsque le plateau sera visité par un éléphant agressif qui détruira tout sur son passage. D'ailleurs, Stallone effectuera des réécritures de son scénario presque tous les matins après avoir entendu des témoignages horribles des figurants birmanes dont les familles étaient emprisonnées. Même l'acteur Mong Mong King, qui interprète ici le diabolique général Burman Tint, sera un ancien combattant de la liberté rebelle Karen, acceptant ce rôle en sachant que sa famille risquait d'être le centre de représailles du gouvernement de Birmanie. La production débutera pendant la saison des pluies en Thaïlande, la zone choisie pour le tournage obtenant plus de 40 pouces d'eau en moins de 6 mois. À un certain moment, la production sera frappée par plus de 30 jours de pluie consécutive, forçant l'équipe technique à déplacer le village de la jungle construit sur place afin d'éviter que ce dernier soit emporté par des coulées de boue. Stallone changera complètement le style de réalisation de ce quatrième film avec une caméra agressive et à l'épaule, rendant le visuel plus rude et ainsi apporter plus de dureté à certaines des atrocités très réelles qui se produisaient en Birmanie. Ayant débuté le tournage avec le titre de travail original de production John Rambo, celui-ci sera modifié lors du tournage par Stallone, qui croyait ici qu'il s'agirait du dernier film de la franchise. Alors intitulé Rambo To Hell and Back, le titre sera alors de nouveau changé pour Rambo suite à des commentaires négatifs de la communauté Internet. Le compositeur de musique des trois premiers films, Jerry Goldsmith, décédera d'un cancer du côlon à son domicile de Beverly Hills, en Californie, le 21 juillet 2004, à l'âge de 75 ans. Stallone choisira donc le compositeur Brian Tyler comme remplaçant pour l'orchestration du long-métrage. Stallone demandera alors à Tyler que ce dernier incorpore des thèmes originaux du défunt compositeur, mais Tyler décidera de réaliser son propre thème et ses propres orchestrations tout en respectant le style de musique de l'original afin de maintenir la cohérence musicale de la franchise. Rambo sortira dans plus de 2751 salles nord-américaines en janvier 2008 et rapportera plus de 6,5 millions de dollars le jour de son ouverture et plus de 18,2 millions de dollars au cours de son premier week-end en salle, arrivant en deuxième place au box-office, tout juste derrière Meet the Spartans. Le film terminera sa course au box-office nord-américain avec des recettes de plus de 42,7 millions de dollars, le reste étant amassé au niveau international. La plus grande chaîne de cinéma d'Europe, Odéon, refusera de montrer le film sur l'un de ses écrans au Royaume-Uni en raison d'un différend avec son distributeur britannique, Sony Pictures, sur les conditions de location du film. Malgré cela, Rambo sera projeté en Irlande et au Royaume-Uni par d'autres chaînes de cinéma telles que Empire Cinemas, Vue, Cineworld et Ward Anderson. Le film n'a pas été diffusé dans une partie de la Suisse en raison de problèmes juridiques et commerciaux avec le distributeur. En raison de sa vision anti-Myanmar, le film sera interdit par le gouvernement birman en Birmanie, la junte militaire alors au pouvoir ayant même ordonné aux vendeurs de DVD en Birmanie de ne pas distribuer le film en raison de son contenu. L'Armée de libération nationale Karen déclara que Rambo leur avait donné un grand coup de pouce moral. Quant à l'actrice Julie Benz, cette dernière travaillera avec les Nations unies après la fin du tournage afin d'aider à montrer la situation inhumaine dans ce pays au reste du monde entier. Encore aujourd'hui, la guerre civile continue dans ce pays. Une version légèrement différente et légèrement plus longue de Rambo sera diffusée pour la première fois au Festival du film de Zurich en 2008. Cette Extended Cut sortira exclusivement en Blu-ray le 27 juillet 2010 et inclura une restructuration du film en restaurant la plupart des scènes supprimées. Suite au succès de ce quatrième volet, Stallone annoncera des plans pour un cinquième film qui était alors intitulé Rambo The Savage Hunt, qui était vaguement inspiré du roman Hunter de l'auteur James Baron Huggins et qui devait opposer Rambo et une équipe d'élite des forces spéciales à une créature génétiquement modifiée. Du côté des points forts, eh bien, après avoir dépoussiéré son personnage de Rocky Balboa en 2006, Stallone retourne à son deuxième personnage fétiche qu'il nous ramène avec force, ce dernier étant tout simplement désillusionné par la guerre, ce qui nous donne ici un film vraiment différent du reste de la franchise, le long métrage tombant dans un style beaucoup plus dur, plus cru et plus violent que les précédents chapitres. La mise en scène de Stallone ici est véritablement plus réaliste que les films précédents, le personnage de John Rambo étant pour la première fois de la série sur le même ton que la première nouvelle de First Blood de l'auteur canadien Devin Morrell. Sa caméra à l'épaule est fatigante quelquefois, mais reste tout de même une belle façon d'illustrer son produit. De plus, le réalisateur-acteur n'a pas peur de se montrer vieillissant et d'inclure son personnage, habituellement seul, à travers un groupe de mercenaires, ce qu'il est plaisant de voir, bien que cela ne soit pas assez montré ici. Cependant, le concept est bien, mais on aurait aimé en voir plus. Du côté des points faibles, eh bien, comme je le disais plus haut, Rambo est beaucoup plus violent et gore que les films précédents, ce qui pourrait repousser certains téléspectateurs. Bien que la guerre en Birmanie remplace ici le Vietnam, l'Afghanistan ou le conflit avec les forces de l'ordre américaines, le réalisateur réussit tout de même à transporter son personnage dans un contexte plus moderne, malgré un scénario qui semble très confus par moments. De plus, le montage laisse véritablement à désirer ici, ce qui n'aide vraiment pas à la cohérence de l'histoire. Du côté de la distribution, celle-ci est sans grande importance, tout paraissant artificiel et poussé, malgré le savoir-faire et l'expérience de Stallone, qui ne désire ici que de réaliser un film qui saura plaire à ses fans. L'aspect musical de Goldsmith nous manque beaucoup ici, malgré que le compositeur Brian Tyler tire tout de même assez bien son épingle du jeu, mais sans plus. Du côté musical, eh bien, comme je le disais, c'est le compositeur américain Brian Tyler qui s'occupe ici de la réalisation de la trame sonore, lui qui avait travaillé sur les films Baba Hotep, Darkness Falls et The Final Destination. Rambo verra sa trame sonore être mise sur CD sous l'étiquette Lionsgate Records le 22 janvier 2008. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Evil has a new name. It's Savage, the secret army of vengeance and global evil. Today, Savage and its diabolical leader, General Warhawk, threaten the freedom of everyone on the face of the earth. Can anyone stop Savage? Rambo. He's not just another Joe. He's a fighting machine, expert in all tactical weapons and guerrilla warfare. Rambo's the one man you want when the going gets rough. But the fight won't be easy because General Warhawk doesn't fight fair, and he doesn't fight alone. Second in command is Sergeant Havoc. He thrives on treachery and dirty tricks. Mad Dog, he's one mean dude with a real short fuse. Gripper, a ruthless mercenary. He rewrote the book on combat. Nomad, a terrorist who's not above seizing hostages or planting a bomb. And the final member of Savage is the Black Dragon, a deadly ninja warrior. But if freedom and justice are to survive, the only hope is with Rambo and the Force of Freedom. Fighting alongside Rambo is Colonel Troutman, the toughest CO in the Special Forces. Turbo, an electronics whiz, whose inventions keep the Force of Freedom one step ahead of Savage. Cat, she's always ready to swing into action. And the White Dragon, who, unlike his evil twin brother, uses his ninja powers only for good. The battle will be fierce. It'll be fought on the land and in the air. But with Rambo and the Force of Freedom, justice and liberty will never surrender, no matter what the odds. Rambo. We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon. And now, on with the show. Rated X. J'ai passé ma vie à affronter la mort. J'ai regardé ceux que j'aimais mourir. Certains foudroyés d'une balle, d'autres si abîmés qu'il ne restait plus rien à enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets. Mais l'heure est venue d'affronter mon passé. Et s'ils viennent me chercher, c'est la mort qu'ils trouveront. Je veux ma vengeance. Je veux qu'il le sache. La mort est en chemin. Et rien ne pourra l'arrêter. Rambo Last Blood, ou Rambo La Dernière Mission, est un drame d'aventure qui a été distribué par les studios Lionsgate le 20 septembre 2019. Ce film chinois, français, bulgarien, espagnol, suisse et américain, d'une durée de 89 minutes, coûtera plus de 50 millions de dollars à produire et amassera 91,5 millions de dollars à travers le monde entier. Il est à noter qu'il existe également une version internationale du film d'une durée de 101 minutes. Sur le poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Adrian Grunberg, ce réalisateur américain qui nous avait donné Get the Gringo. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve les producteurs Yariv Lerner, ce producteur israélien qui nous avait donné The Offering, Angel Has Fallen et la version de 2019 de Hellboy. Avi Lerner, ce producteur israélien qui avait travaillé sur les films Conan the Barbarian, la version de 2011, The Paperboy et Gore, et Kevin King Templeton, ce producteur américain qui avait travaillé sur The Expendables, Rambo et Homefront, et finalement Les Weldon, ce producteur américain qui avait travaillé sur la version 2017 de Leatherface, Ninja, The Contract et Free Fall. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est toujours le scénariste américain Sylvester Stallone, lui qui avait travaillé sur Rocky, Fist et First Blood, qui s'occupe d'écrire le scénario ici, aux côtés du scénariste américain Matthew Cyrulnik, lui qui avait travaillé sur Pain in Full et la série télé Absentia. Au niveau de la distribution, eh bien, on y retrouve toujours Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Perez Mancheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, Ginny Kim, Joaquin Cosio, Pascasio Lopez et Oscar Jainada. Au terme de près de quatre décennies d'une vie marquée par la violence, un ancien soldat d'élite américain qui profite d'une retraite bien méritée sur une petite ferme tranquille se retrouve confronté au chef d'un réseau de prostitution mexicain lorsque la fille de son assistante se fait kidnapper par ceux-ci. Suite à la bonne réponse au box-office de Rambo, Stallone annoncera en 2009 ses plans pour un cinquième et dernier long-métrage de la franchise qui sera alors intitulé Rambo The Savage Hunt. Basé vaguement sur le roman de 1999 Hunter de l'auteur James Baron Huggins, l'histoire aurait alors mis en vedette le personnage de Rambo à la tête d'une équipe d'élite des forces spéciales chassant une créature génétiquement modifiée. Stallone cherchait à briser la formule de la franchise et ainsi créer quelque chose de totalement différent. En août 2009, Millennium Film donnera le feu vert au cinquième film qui devait être de nouveau réalisé par Stallone. En août 2011, le scénariste Sean Hood soumettra un scénario intitulé « Rambo Last Stand » à la compagnie Millennium Films, se basant sur un brouillon incomplet de Rambo 5 que Stallone avait précédemment écrit et qui se composait de 20 pages. Cependant, en 2012, Hood annoncera que le projet était mis en suspens afin de permettre à Stallone de travailler sur Expendables 2. Ce projet sera par la suite abandonné. 4 ans plus tard, Stallone approchera l'auteur canadien David Morrell, qui avait écrit le roman original First Blood, pour redévelopper l'histoire de Rambo 5, Stallone voulant un voyage émouvant pour ce personnage dont il devait s'agir ici de la dernière aventure. Stallone présentera l'idée aux exécutifs de la maison de production Millennium Film, mais ces derniers étaient plus intéressés par une histoire de traite des êtres humains au Mexique, idée que Stallone avait initialement travaillé pour le film précédent à l'origine. À la fin de 2015, le projet fut de nouveau totalement abandonné. Puis, en mai 2018, il sera annoncé qu'une entente était finalement survenue entre Stallone et les dirigeants de Millennium Film et que le tournage devait alors débuter en septembre, avec l'intrigue se concentrant sur Rambo affrontant un cartel de drogue et de prostitution juvénile mexicain. Matt Cyrulnik sera alors embauché afin d'aider Stallone à l'écriture du scénario, qui sera finalement basé sur une histoire écrite à l'origine par Stallone pour Rambo 4, avec l'assistance du scénariste Dan Gordon au milieu des années 2000. Stallone retravaillera alors le scénario de Cyrulnik, n'aimant pas certains personnages du script et trouvant que l'action était trop exagérée pour un homme de son âge, l'acteur ayant dépassé les 70 ans à cette époque. En août 2018, ce sera le metteur en scène Adrian Grunberg qui sera annoncé au poste de réalisateur. Rapidement, ce dernier s'occupera de la distribution. Le réalisateur considérera alors l'acteur Mickey Rourke afin d'interpréter l'antagoniste principal, mais ce sera finalement l'acteur Sergio Pérez Mancheta qui sera choisi. Par la suite, les choix du metteur en scène s'arrêteront sur les actrices Paz Vega, Adriana Barraza et Yvette Monreal, alors que les acteurs Jeannie Kim, Joaquin Cosio et Oscar Ginaldown compléteront la distribution. De nouveau, ce sera le seul et unique Gil Hibbons qui sera engagé pour fabriquer 3 couteaux pour le nouveau long-métrage. En clin d'œil à Rambo, Stallone demandera à Hibbons de refabriquer la machette du héros du film précédent ainsi que de concevoir 2 autres couteaux, soit un poignard avec un manche blanc cannelé et un couteau à clip de style Bowie. Hibbons fournira des ébauches de lames faites à la main pour le Bowie et le poignard afin de donner l'impression que Rambo fabriquait lui-même ses couteaux. Malheureusement pour l'artiste, 2 de ses 3 œuvres n'apparaîtront pas dans la version finale du long-métrage. Le concepteur de couteaux allemand Dietmar Pohl sera également invité par Stallone à concevoir les 2 couteaux principaux pour la production, ce qui sera un véritable honneur pour lui. Le tournage devait commencer en septembre, mais sera reporté en octobre 2018, où il débutera en Bulgarie, puis se rendra aux îles Canaries en Espagne. Finalement, la production se rendra à Shreveport, en Louisiane, en utilisant ces lieux comme remplaçant du Mexique, le tournage se terminant en décembre. Rambo Last Blood sera le seul film de la franchise à être entièrement tourné en digital. Dans le long métrage, le Mexique sera décrit comme envahi par la criminalité, délabré et appauvri. L'éclairage et la synchronisation des couleurs du film changeront lorsque Rambo traverse la frontière, une astuce photographique commune donnant souvent un aspect verdâtre ou brun smog qui donnera alors l'effet estompé pour la présentation du Mexique. Une fois le tournage initial terminé et le premier montage du film assemblé, Rambo Last Blood sera testé devant un auditoire au printemps 2019. De nouvelles séquences seront alors retournées en mai avant de retourner en montage quelques semaines seulement avant sa sortie en salle. Cependant, ce sera vraiment à la dernière minute que le film subira des coupures intenses afin de rendre le rythme plus rapide et ainsi n'atteindre qu'une durée finale de 89 minutes, faisant de Rambo 5 le long métrage le plus court de la franchise. C'est la raison pour laquelle grand nombre de scènes et de dialogues montrés dans toutes les bandes-annonces n'apparaîtront pas dans la version finale, ces dernières ayant été complètement supprimées. Ce sera de nouveau le compositeur Brian Tyler qui sera embauché pour réaliser la trame instrumentale. La compagnie Lionsgate distribuera le film dans plus de 3618 salles en septembre de cette même année en Amérique du Nord, mais le film n'amassera qu'un maigre 19 millions de dollars durant son premier week-end en Amérique du Nord, terminant sa course avec 44,8 millions de dollars et ajoutant un 46,6 millions de dollars additionnels au niveau de l'international. La compagnie de distribution Daddy obtiendra les droits de distribution pour la Chine après avoir investi un montant de plusieurs millions de dollars sur la production. Deux versions seront alors mises sur le marché par Lionsgate. Les Américains, l'Angleterre et le Canada héritant de la version de 89 minutes, alors que l'Australie, le Mexique, la Suède, le Brésil, la Finlande, l'Allemagne et le Japon hériteront, eux, de la version non censurée de plus d'un 101 minutes. Mais en 2013, avant l'annonce de Rambo 5 Last Blood, des rumeurs d'un spin-off de la franchise en série télévisée feront alors leur apparition. En effet, Miramax Film approchera l'auteur canadien David Morrell, qui avait initialement créé le personnage de Rambo dans son roman de 1972 First Blood, afin d'écrire un concept dans lequel apparaîtrait le personnage de Rambo sur le petit écran et présenterait alors son fils, portant également le nom de John Rambo. Ce dernier, revenant de la guerre du Golfe traumatisé, sera alors lancé dans une série d'aventures avec son père, interprété alors par Stallone dans un rôle de soutien. Cela aurait permis d'embaucher un nouvel acteur qui aurait alors pris la relève de Sly dans le rôle-titre. Malheureusement, l'auteur ne saura pas quoi faire avec le concept, tout comme Stallone, et ce dernier sera alors complètement oublié. En janvier 2022, Fox approchera de nouveau les compagnies Entertainment One et Millennium Films pour produire ce projet de série de télévision intitulé Rambo New Blood, qui se devait être une suite à la série de films. Stallone y reprendrait alors son rôle de John Rambo et vivrait diverses aventures avec son fils, ancien Navy SEAL. Ce fut le scénariste Jeb Stuart qui travailla sur la série de films de Die Hard et The Fugitive qui sera embauché pour écrire le programme dont le développement débutera vers le début des années 2020 sans l'implication de Stallone qui agira ici également à titre de producteur exécutif. Au moment de la réalisation de cet épisode, le projet de série semblait de nouveau avoir été mis de côté. Sylvester Stallone reprendra son personnage iconique en 2020 en prêtant sa voix à ce dernier, qui apparaîtra alors dans le jeu vidéo Mortal Kombat 11. Du côté des points forts, eh bien, Rambo Last Blood marque la fin des aventures de John Rambo avec une histoire qui touche directement le cœur de notre héros, forçant ce dernier à libérer pour une dernière fois ses impulsions de machine à tuer. D'ailleurs, l'aspect personnel du personnage semble être lié directement avec les peurs de la population américaine sur le va-et-vient de la population criminelle mexicaine aux États-Unis. Bien que la finale du film soit totalement explosive, on assiste sans contredit au chapitre le plus faible ici des aventures de Rambo, qui est cependant beaucoup plus humain ici et qui n'a pas l'air d'un super-héros, sauf pour la séquence finale. La séquence générique nous fait défiler un montage des meilleurs moments de la série, un moment nostalgique qui permettra aux amateurs de la franchise de revivre certains faits marquants des aventures de leur héros favori. Mais du côté des points faibles, Rambo 5 est un véritable slasher film, surtout durant la confrontation finale avec les membres du cartel mexicain, se transformant en une véritable machine à tuer, style Jason Voorhees. Le faible scénario ici ne sert qu'à faire avancer l'histoire d'une façon mécanique, celui-ci étant rempli de répliques automatiques et conventionnelles et totalement simplistes. De plus, le film souffre de plusieurs longueurs, quelque chose dont on n'était pas habitué avec les autres films de la franchise. Même la réalisation ne se satisfait qu'à nous présenter cette histoire de façon non intelligente, cherchant à nous faire croire que Rambo fera exploser presque toutes ses terres, mais qu'aucun policier du secteur ne viendra, ne serait-ce que pour voir ce qui se passe. De plus, les membres du cartel ne sont pas très brillants. Il me semble que j'aurais personnellement viré de bord lorsque les bombes auraient commencé à exploser et que j'aurais découvert que le gars que je viens buter a construit une série de tunnels sous le sol. Au final, les acteurs font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne, le film cédant de nouveau à des séquences ultra-violentes qui pourraient repousser certains téléspectateurs. Du côté de la trame instrumentale, eh bien, c'est encore le compositeur américain Brian Tyler qui a été choisi ici, lui qui avait travaillé sur les films The Fate of the Furious, Power Rangers et Into the Storm. Vous pouvez retrouver la trame sonore de Rambo Last Blood sur CD, elle qui a été distribuée sous l'étiquette Lakeshore Records le 20 septembre 2019. Au niveau des cotes artistiques, Mediafilm a coté le film 6. OK, à l'époque, le film était coté 5. Moi, j'y vais avec quand même une cote 5. Je trouve que 6 est un petit peu excessif. Le film est coté très indicatif du côté de la régie du cinéma. J'y vais également avec une cote 14 ans. Ça, c'est pour le film Rambo 3. Du côté de Rambo, eh bien, la Mediafilm cote le film 5. Moi, j'y vais plus avec un 6. Je trouve que le film manque beaucoup de construction. Je pense que le film est très incohérent par moment. Au niveau de l'âge, eh bien, la régie du cinéma cote le film 16 ans. J'y vais également avec une cote 18 ans pour de la violence très graphique. Du côté de Rambo Last Blood, eh bien, Mediafilm cote le film 6. J'y vais également avec un 6. Eh bien, du côté de la régie du cinéma, on donne une cote de 13 ans indicatif. Moi, j'y vais quand même avec une cote de 18 ans pour la violence graphique, le langage vulgaire et également un peu le contenu du film. Donc, ce sont les différentes cotes qui sont données au film des trois derniers Rambo. Au niveau de la disponibilité en DVD et en Blu-ray, pour Rambo 3, eh bien, le film est disponible en français et en anglais, en Blu-ray et en DVD. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très facilement accessible. Du côté de Rambo, même chose, il est disponible dans les deux langues, en DVD ainsi qu'en Blu-ray disc. Tout comme le film Last Blood, qui est également disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Vous avez également la possibilité d'avoir les films dans différents combos, que l'on parle du coffret double de Rambo 2 et Rambo 3 qui sont disponibles en DVD et en Blu-ray. Les deux, bien sûr, en langue française et anglaise. Mais vous avez également le coffret de 4 films où vous avez First Blood, First Blood 2, Rambo 3 ainsi que Rambo 4. Donc, les 4 films sont disponibles sur le coffret. Et finalement, vous avez le coffret Rambo The 5 Film Collection. C'est disponible présentement uniquement en DVD. Donc, toutes les possibilités pour vous d'avoir tous ces films dans votre bibliothèque de collection. Coming soon to a theater near you. Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place.